Huh? Pedazo. Huh? Thank you. Good. I'm gonna rest set. Thank you. Chance it. Huh? Yeah. Simi, négro, je pull up dans le vaisseau. Je veux l'argent de SO. Toujours des barres, négro, même sans le réseau. Tu comptes, tu perds la raison. Plus de 16, div 2 en train de faire la saison. Bonhomme de neige depuis le collège. Pas loin du piège pour moi faire la maison. Gardien. J'écoute leur merde et c'est SS. On arrive dans des Allemands comme des SS. SO, Tam, Sir, je suis dans le Benz. SO les prêts, j'suis dans le Bex. Négro dessus deux, j'arrive en mode avion. Tout seul j'enregistre Android en mode avion. Équipe. Au-dessus deux, j'arrive en mode avion. Tout seul j'enregistre Android en mode avion. Négro dessus deux, j'arrive en mode avion. Tout seul j'enregistre Android en mode avion. Tout seul j'enregistre Android dans mon tous les jours, négro, je veux les liasses dans la mallette. Gardien, drift c'est négro, sans aucun stress, comme si je suis dans la manette. Tu vois au ralenti, négro, je suis dans le lin, je suis dans le sirop. Ginette, SO, double, négro, mets du sirop dans le sirop. Gardien, je suis dans la tour SOFL. Je suis dans la cour SOFL. Aucun stress, SOZAN, SOKK. Ta pop mais t'as disparu, SOKK. Négro t'es dépassé comme Academics. Ces rappeurs sont des menteurs, négro SO Academics. 667 LDO, négro SO Squadra. Chen Z devant les cages, carré X, fin de PEF, négro SO Quadra. J'arrive en mode avion. Tout seul j'enregistre Android en mode avion. Au-dessus d'eux j'arrive en mode avion. Tout seul j'enregistre Android en mode avion. Négro au-dessus d'eux j'arrive en mode avion. Tout seul j'enregistre Android en mode avion. Au-dessus d'eux j'arrive en mode avion. Dans le centre.